Pourquoi broder la vie des saints sur la tunique des prêtres? À l'époque où le peuple français était surtout composé de paysans qui ne savaient ni lire ni écrire, les élites utilisaient des moyens symboliques pour transmettre leur vision du monde à ceux d'en bas. C'était la fonction principale du décor architectural sculpté qu'on peut encore admirer sur les façades des églises et des cathédrales. Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'évoquerai un autre support de cette communication religieuse qui concerne les images brodées qu'on appelle des orfrois. Sur une toile de lin, le travail de broderie était réalisé en fil de soie, polychrome, bleu, blanc et vert, en fil de laine ou en fil de lin tissé avec des filets d'argent. Les orfrois étaient brodés sur les vêtements des prêtres, comme la chape, la chasuble ou la tunique, de façon à conforter dans l'esprit des fidèles la croyance dans le caractère sacré de la fonction religieuse. À cette dimension symbolique s'ajoutait le rôle didactique des orfrois, car les broderies représentaient souvent des scènes religieuses évoquant les saints, les martyrs ou les évêques mentionnés dans la Bible. L'un des gros problèmes qu'ont rencontré les spécialistes de cette question concerne la date de leur fabrication. Sur l'une des séries de ces broderies conservées au musée de Bretagne, on trouve des documents imprimés portant le sceau d'Henri IV. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, cet indice oriente vers une fausse piste, car ces papiers imprimés servaient à consolider des broderies tissées longtemps auparavant, mais qui avaient été insérées ultérieurement dans un cadre fixe, à une époque où les orfrois étaient mis en scène sous désovants architecturaux, à l'instar des représentations sculptées dans les églises. La présence d'un document mentionnant le sceau d'Henri IV nous renseigne donc sur la réutilisation ultérieure des orfrois et non sur leur date de fabrication. Les orfrois conservés aujourd'hui au musée de Bretagne ne font plus partie des vêtements auxquels ils étaient destinés au départ. Pour savoir de quand datent réellement ces broderies, il faut recourir à des sources manuscrites. En ce qui concerne la Bretagne, on trouve des mentions concernant des brodeurs professionnels travaillant en ville et près des cathédrales dès les 14e-15e siècles. Au cours des siècles suivants, les ateliers se sont multipliés car le commerce de ces images chrétiennes s'est largement développé. Les archives qui ont conservé la comptabilité des marchands et des artisans montrent comment la vente de ces images venait compléter le commerce des épices, des matières précieuses et autres merceries. Ces marchands, qui étaient souvent eux-mêmes des artisans, ont ainsi diffusé leur savoir et leur art partout où le travail de fil était requis, depuis les villes où s'élançaient les cathédrales jusqu'aux petites églises rurales. L'étude de ces orfrois nous renseigne donc sur une longue période qui s'étend du XIIIe au XVIIe siècle, au cours de laquelle ces images brodées circulèrent dans toute l'Europe. C'est un facteur important qu'il faut prendre en compte quand on veut comprendre le rôle qu'ont joué ces commerçants et artisans dans l'extension des moyens symboliques de communication au service du pouvoir religieux.